Chapitre 3. Dans les champs et les jardins, la neige gisait encore. Mais déjà, elle avait été balayée dans les rues, où, par endroits, les voitures commençaient même à soulever un peu de poussière. Le soleil versait dans la chambre une vraie pluie de lumière. Et cette lumière était si chaude que déjà parfois l'on avait à s'engarer, comme en été. Aussi ne parvenait-on pas à comprendre que, dehors, derrière les fenêtres de la chambre, l'air resta frais, aigre et piquant. Au reste, le bruit de la rue ne pénétrait guère dans la clinique, à travers les doubles fenêtres. Mais quand, le matin, on ouvrait la partie supérieure de ces fenêtres, tout à coup, sans transition, s'y précipitait le vacarme joyeux, bruyant et comme ivre, des moineaux. Tous les autres bruits s'effaçaient devant celui-là. Et lui, solennellement, il se répandait à travers les corridors, descendait les escaliers, faisait vibrer les éprouvettes de verre du laboratoire. Les malades souriaient involontairement, et le père diacre, se mettant une main sur les yeux, étendait l'autre main et murmurait à ses voisins. « Les moineaux, entendez-vous les moineaux ?» La fenêtre se refermait, le mince cri enfantin des moineaux mourait aussi soudainement qu'il était né, et la chambre retombait à son silence ordinaire. Mais à présent, les malades s'approchaient plus souvent des fenêtres, et ils y stationnaient longtemps, frottant les vitres de leurs doigts. Ils n'avaient plus le même entrain à mesurer leur température, et tous ne parlaient plus que de l'avenir. Cet avenir leur apparaissait à tous clair et beau. Tel il apparaissait même à ce petit garçon de la 12e chambre, qui, quelques jours auparavant, avait dû être transporté dans un cabinet spécial où les infirmières racontaient qu'il était en train d'agoniser. Bon nombre des malades l'avaient vu, quand on l'avait enlevé de la 12e chambre, avec tous les draps de son lit. On l'avait emporté la tête la première, et il restait étendu, immobile, promenait seulement d'un objet à l'autre ses grands yeux noirs. Et dans ses yeux se lisait un regard si étrange et si affreux à la fois que tout le monde s'était détourné pour y échapper. Et tout le monde, dès lors, avait deviné que l'enfant allait mourir. Mais l'idée de sa mort n'émouvait ni n'effrayait personne, car la mort était ici une chose si ordinaire et aussi simple qu'elle doit être sans doute à la guerre. Un autre des malades de la même chambre mourut précisément vers ce temps-là. C'était un petit vieillard grisonnant et d'apparence encore assez dru, mais qui avait été frappé de paralysie. Toute la journée, il se traînait d'un lit à l'autre, une de ses épaules en avant, et à tous les malades, il racontait une seule et même histoire, celle du baptême de la Russie sous Saint Vladimir. Ce qui l'intéressait dans cette histoire, jamais on n'avait pu le deviner, car il parlait très bas et d'une façon à peine compréhensible. Mais il était si exalté qu'il ne cessait pas d'agiter sa main droite et de tourner en tous sens son œil droit, le côté gauche de son corps étant paralysé. Lorsqu'il était de bonne humeur, il terminait brusquement ce récit en murmurant à mi-voix « Que Dieu soit avec nous !» Mais plus souvent encore, il était mal disposé et se plaignait qu'on ne lui donnât point de bain chaud qui, infailliblement, devait lui rendre la santé. La veille de sa mort, il avait enfin obtenu la permission de prendre un bain chaud. Aussitôt, il s'était rasséréné et avait répété plusieurs fois en riant « Que Dieu soit avec nous !» Ce soir-là, les malades qui passaient devant la salle de bain en avaient entendu sortir un grognement continu et rapide. C'était le petit vieillard qui, pour la dernière fois, s'adressant à l'infirmier chargé de veiller sur lui, racontait l'histoire du baptême de la Russie sous Saint Vladimir. Dans la 8e chambre, cependant, les choses allaient leur train. L'étudiant Torbetsky se rétablissait. Laurent Petrovitch et le père diacre baissaient de jour en jour. La vie s'écoulait d'eux si doucement, si sournoisement, que même ne s'en apercevaient presque pas, bien qu'ils eussent désormais cessé de pouvoir se lever de leur lit. Et, toujours avec la même régularité, les médecins et les étudiants venaient, en blouse blanche, tapotaient, écoutaient et causaient entre eux. Le cinquième vendredi du carême, on conduisit le père diacre dans la salle où se donnaient les leçons publiques. Et il en revint visiblement très ému. Il faisait des signes de croix, s'essuyait les yeux avec le rebord de son drap, et ses yeux étaient tout rouges. « Pourquoi pleurez-vous, père diacre ?» demanda l'étudiant. « Ah, petit père, ne m'en parlez pas !» répondit le diacre d'une voix tremblante. « Voilà que Semen Nikolaïevitch me fait asseoir dans un fauteuil, se tient debout près de moi et dit aux étudiants « Tenez, voici un malade !» Mais soudain, le visage du diacre se rembrunit de nouveau, et de nouveau ses yeux se remplirent de larmes. Il se détourna, tout honteux, et poursuivit. « Ah, petit père, si vous aviez entendu Semen Nikolaïevitch, c'était si affreux de l'entendre. Le voilà qui dit « C'était un diacre !» De nouveau, le diacre s'arrêta, la voix étranglée. « C'était un diacre !» Les larmes empêchèrent le père diacre de continuer. Il reposa sa tête sur l'oreiller, se tut quelques instants et reprit. Toute ma vie, il l'a raconté. Comme quoi, j'ai été chantre et je n'ai pas mangé à ma faim. De ma femme aussi, il en a parlé. Tout cela était si affreux, si affreux! On aurait dit que j'étais mort et qu'on parlait sur mon cercueil. C'était, on disait, c'était un diacre. Et pendant que le père diacre parlait ainsi, tout le monde voyait clairement que cet homme allait mourir. On le voyait aussi clairement que si la mort elle-même avait été debout, là, au pied du lit. Du joyeux petit diacre soufflait un froid mystérieux et terrible. Et lorsque, avec de nouveaux sanglots, il cacha sa tête sous le drap, l'étudiant se mit à frotter nerveusement ses mains, et Laurent Petrovitch partit d'un gros rire qui le fit tousser. Depuis quelques jours, Laurent Petrovitch s'agitait beaucoup dans son lit, se retournait, grommelait et se fâchait contre les infirmières. C'est du même air fâché qu'il accueillait les médecins, et l'un d'eux finit par s'en apercevoir. Ce médecin était un brave homme qui lui demanda avec sympathie. « Qu'est-ce que vous avez ?»« Je m'ennuie !» répondit Laurent Petrovitch. Il dit cela d'une voix d'enfant malade et referma les yeux pour cacher ses larmes. Et ce soir-là, dans le journal de sa maladie, parmi les observations sur son pouls, sa température, sa respiration, se trouva mentionné un nouveau phénomène. Le malade se plaint de l'ennui. L'étudiant continuait à recevoir les visites de la jeune fille qu'il aimait. Elle arrivait dans la chambre avec des joues si roses après sa marche à l'air frais que c'était un spectacle à la fois charmant et un peu triste de les voir. Penchant son visage contre celui de Torbetsky, elle lui disait « Tiens, tâte comme mes joues brûlent !» Et le jeune homme le tâtait non pas avec ses mains, mais avec ses lèvres. Il le tâtait longtemps et passionnément, car la santé lui revenait et les forces avec elle. Désormais, les deux amoureux ne se gênaient plus devant les autres malades et s'embrassaient ouvertement. Sur quoi le diacre, par délicatesse, se détournait. Tandis que Laurent Petrovitch, ne faisant plus semblant de dormir, fixait sur eux un regard ironique. Ainsi aimait-il le père diacre, tandis qu'il détestait Laurent Petrovitch. Le samedi, le diacre reçut une lettre de chez lui. Il l'attendait déjà depuis une semaine, et tout le monde à la clinique savait que le père diacre attendait une lettre. Tout le monde s'en inquiétait avec lui. Ranimé et ragaillardi, il se leva de son lit et se mit à traîner lentement par les chambres, saluant, remerciant, recueillant les félicitations en montrant la lettre. Tout le monde connaissait déjà depuis longtemps la haute taille de sa femme. Mais ce jour-là, il révéla une autre de ses particularités. « Ah, elle n'a pas sa pareille pour ronfler. Quand elle est dans son lit, vous pourriez la battre, elle ne s'éveillerait pas. » Puis le père diacre, s'interrompant d'imiter le ronflement de sa femme, s'écria. « Et avez-vous jamais vu quelque chose comme ceci ?» Il montrait la quatrième page de la lettre, où une plume maladroite et tremblante avait dessiné le contour d'une petite main d'enfant étendue. Et au milieu, juste à l'endroit de la paume, on avait écrit « Tosic a appliqué sa main ». Ce Tosic, avant d'appliquer sa main, sa tête évidemment livrée à quelque travail dans la boue, car partout où la main avait touché le papier, celle-ci portait de grosses taches grises. « C'est mon petit-fils. Hein, croyez-vous qu'il est gaillard? Il a 4 ans en tout, et sage et malin, vous n'en avez pas idée. Il a appliqué sa main, voyez-vous ça ?» Enthousiasmé de ce trait de génie, le père diacre se frappait les genoux et riait silencieusement. Et son visage, longtemps privé d'air, pâli et jauni, redevenait pour une minute le visage d'un homme bien portant, dont les jours n'étaient pas encore comptés. Ce même samedi, Laurent Petrovitch fut, à son tour, conduit dans la salle des leçons publiques. Il en revint, lui aussi, très ému, avec des mains tremblantes et un sourire forcé. Il repoussa durement l'infirmier qui l'aidait à se déshabiller, et, sitôt dans son lit, il ferma les yeux. Mais le père diacre, qui savait maintenant, par expérience, ce qu'étaient les leçons publiques, attendit le moment où les yeux de Laurent Petrovitch s'entr'ouvrirent, et avec une curiosité pleine de sympathie, commença à interroger son voisin sur les détails de la séance. « Eh bien, petit père, c'est affreux, hein? Je suis sûr que de toi aussi on aura dit « c'était » qu'on aura dit « c'était un marchand ». Laurent Petrovitch se tourna d'un air furieux vers le diacre, le parcourut du regard, se retourna de l'autre côté et de nouveau ferma les yeux. « Ça ne fait rien, petit père, ne t'inquiète pas. Tu guériras. Tu pourras même encore doubler ta fortune avec l'aide de Dieu, » poursuivit le père diacre. Il était étendu sur le dos et, rêveusement, considérait le plafond où était venu se jouer, on ne savait comment, un léger rayon de soleil. L'étudiant sortit pour aller fumer une cigarette, et il y eut une minute de silence où l'on entendit seulement le souffle bref et lourd de Laurent Petrovitch. « Oui, petit père, » reprit le diacre lentement d'une voix calme et joyeuse, « mais quand tu passeras dans nos pays, ne manque pas de venir me voir. C'est à 5 verstes de la station. N'importe quel moujik pourra te conduire. Tu verras comme nous te ferons fête. J'ai du kvass à la maison. Plus jamais certainement tu n'en auras bu d'aussi doux. » Le père diacre se tut quelques instants, soupira et reprit encore. « Quant à moi, ma première affaire sera d'aller au couvent Troïtski, et j'y mettrai aussi un cierge pour toi. Après cela, j'irai voir les saintes églises. Au bain de vapeur, j'irai aussi. Comment donc s'appelle celui dont on parlait l'autre jour? Le bain du marché, est-ce bien ça ?» Laurent Petrovitch ne répondant pas, le père diacre résolut lui-même la question. « Le bain du marché, c'est bien cela. Et puis après, aussi vrai qu'il y a un dieu, en route pour la maison. » Enfin, le diacre cessa de parler. Et dans le silence qui suivit, le souffle lourd et saccadé de Laurent Petrovitch ressembla au ronflement irrité d'un bateau à vapeur arrêté en chemin. Et le père diacre n'avait pas encore congédié de son imagination la perspective évoquée par lui de leur prochain bonheur, lorsqu'il entendit entrer dans son oreille d'étranges, d'incompréhensibles, d'effrayantes paroles. Effrayantes par le son seul qu'elles avaient, effrayantes par la voix grossière et haineuse qui les prononçait. Et, bien qu'il n'en comprît pas le sens, son cœur s'arrêta de battre quand il les entendit. « La route du cimetière de Vagankov, voilà la route que tu vas prendre. »« Qu'est-ce que tu dis, petit père ?» demanda le diacre, se figurant avoir mal entendu. « au cimetière, je te dis, et sans que ça traîne, » répondit Laurent Petrovitch. Il s'était de nouveau retourné vers le diacre et avait même tendu sa tête hors du lit pour être plus sûr que tous ces mots iraient à leur adresse. « Mais avant, on te portera à l'amphithéâtre, et là, on te découpera le corps de si belle façon que ce sera un plaisir, aussi vrai que je crois en Dieu. » Et Laurent Petrovitch éclata de rire. « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Que Dieu soit avec nous !» murmurait le père diacre. « Moi, peu importe ce que j'ai, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a ici une belle façon de dépecer les morts avant de les enterrer. On commencera par te couper une main, et on enterrera ta main. Puis c'est un pied qu'on te coupera, et on enterrera ton pied. Il y a, comme ça, des morts qu'on fait traîner pendant des mois, sans en venir à bout. Le diacre se taisait, les yeux obstinément fixés sur Laurent Petrovitch, qui continuait de parler. Et il y avait quelque chose de repoussant à la fois et de pitoyable dans la franchise cynique de ses paroles. « Je te regarde, père diacre, et je songe en moi-même. Voilà un homme qui est vieux, et il est bête comme un enfant de 2 ans. Écoute, à quoi cela te sert-il de dire « J'irai au couvent Troïtski, j'irai au bain de vapeur » ou bien encore de nous rebattre les oreilles avec ton pommier. Il te reste à peine 8 jours à vivre, et toi... » « 8 jours ? » ?»« Mais oui, 8 jours. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins qui le disent. J'étais couché ce matin et tu n'étais pas là. Voilà qu'arrivent les étudiants et les voilà qui disent « Notre petit père diacre, ce sera bientôt sans toi. Il pourra encore traîner une petite semaine. » « Traîner ? » ?»« Hé, te figures-tu qu'elle va avoir pitié de toi et t'épargner, toi tout seul ?» Laurent Petrovitch insista sur le mot « elle » comme pour en accentuer le sens effrayant. « Allons, regarde bien. Applique bien ton thermomètre. Hé, diacre imbécile !»« J'irai au couvent Troïtski, j'irai au bain de vapeur. Des gens meilleurs que toi ont vécu et ils sont morts !» Le visage du père diacre était devenu jaune comme du safran. Il ne pouvait ni parler, ni pleurer, ni même gémir. Silencieusement, lentement, il laissa retomber sa tête sur l'oreiller, la cacha sous les draps pour échapper aux paroles de Laurent Petrovitch et au monde entier. Il resta immobile. Mais Laurent Petrovitch ne pouvait s'empêcher de parler. Chacun de ces mots dont il blessait le diacre lui apportait à lui une consolation et un soulagement. Et ce fit du ton le plus bonhomme qu'il répéta. « Mais oui, petit père, c'est ainsi. Une petite semaine. Tu es là à prendre ta température, à compter les degrés. Les voilà les degrés. Et quant au bain de vapeur, tu en reparleras dans l'autre monde. » En cet instant entra l'étudiant, et Laurent Petrovitch, à regret, se tut. Il essaya d'abord de se cacher la tête sous ses draps comme le père diacre. Mais bientôt il rejeta les draps, et avec un sourire moqueur, il regardait l'étudiant. « Et votre sœur, je vois qu'aujourd'hui encore, elle ne va pas venir » demanda-t-il au jeune homme, avec la même bonhomie affectée et le même vilain sourire. « Elle est souffrante, » répondit sèchement l'étudiant, dont le front s'était rembruni. « En vérité, quel malheur !» dit Laurent Petrovitch en hochant la tête. « Et qu'a-t-elle donc ?» Mais l'étudiant ne répondit pas. Il feignit de ne pas avoir entendu la question. Depuis 3 jours déjà, la jeune fille qu'il aimait n'était pas venue le voir à l'heure de la visite. Et ce jour-là encore, elle ne venait pas. Torbetsky faisait semblant de regarder par la fenêtre, au hasard, par désœuvrement. Mais en réalité, il s'efforçait d'apercevoir sur la gauche la porte de la clinique, que d'ailleurs on ne pouvait pas voir. Tantôt il allongeait le cou, appuyait son front sur la vitre, tantôt il consultait sa montre. Et l'on entendit enfin sonner 4 heures, et le délai pour les visites se trouva écoulé. Pâle et fatigué, le jeune homme but à contre-cœur un verre de thé et s'étendit sur son lit, ne remarquant pas même le silence anormal du père diacre, ni la loquacité, et non moins anormale, de Laurent Petrovitch. « Allons, notre petite sœur n'est pas venue, » dit celui-ci. Il sourit de son vilain sourire.